Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Fred et c'est le moment de votre émission Disco Funk. Avec la découverte du jour, je vous garantis qu'on va y plonger tout droit. Le groupe Shade of Love a connu la gloire dans les années 80. Il était composé de trois femmes. Leur morceau le plus connu reste Keep in Touch, paru en 1982. Alors le titre, il atteindra une modeste 26e place au Hit US. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce groupe, mais le morceau m'a paru tellement entraînant qu'il fallait absolument que je vous le passe. On va démarrer très très fort. That's my La suite, c'est les 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, Lost Joins et son Is It All Over My Face. Arthur Roussel est le personnage le plus atypique de l'histoire du disco. Alors il passe de la musique classique à la musique indienne, il fait un crochet par le punk et il va finir dans le disco. Il fréquente la boîte Le Loft et il va produire son premier single sous le nom de Dinosaur. Le DJ va tomber amoureux de sa vision du disco et il va lui soumettre les paroles de Love Dancing, qu'il va s'empresser de retravailler et transformer en Is It All Over My Face. Son producteur, le patron de West Records, va lui donner alors carte blanche et il va engager les Ingram, c'était des célèbres musiciens de funk, pour travailler sur le morceau. Alors pour les voix, ils optent pour des amateurs, car à son avis, ça va donner un côté plus spontané au morceau. Ils vont laisser tourner les bandes et ils vont isoler une phrase qui va tourner en boucle. Alors le vrai sens de la phrase reste inconnu, mais plusieurs hypothèses sont suggérées. Ça va fortement pencher vers le sexe, on va dire. Comme souvent d'ailleurs. Le titre, il va être mixé par le DJ Larry Levant et il va en faire un titre culte du disco malgré son côté de démo inachevé. C'était en 1980 et ça donnait ça. Ça reste bien en tête quand même, hein, comme morceau. Donc pour la suite, à la reprise du jour, c'est Eruption et son One Way Ticket. Je suppose que comme moi, vous pensiez que c'était eux les auteurs originaux du titre. Eh bien non. À l'origine, le titre date de 1959 et c'est la face B d'un 45 tours de Neil Sedaka. Alors lui aussi, inconnu au bataillon. C'est dans le second album d'Eruption que l'on rencontre ce titre, qui sera classé numéro 1 en Suisse, et aussi numéro 1 en Autriche, et un peu partout dans les 10 premiers en Europe. Cela sera le morceau phare du groupe avec I Can Stand the Rain. Avant la pluie, embarquez. Le maxi, on va se diriger vers Curtis Mayfield et son célèbre Move On Up. Paru en 1970 sur l'album Curtis, le morceau ne sera même pas classé dans les hits alors que c'est un véritable ovni, voire une légende. La durée de 8 minutes fait que je vous le propose en maxi. Bon, par la suite, il sera classé dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps. Je suis sûr que dès les premières notes, ça va vous parler. C'est parti! Understand you. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Pour la pépite, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Take It Off de Chic, paru en 1981. Le morceau s'intitule Stage Fright. Ça sera d'ailleurs l'unique morceau issu de l'album. Il atteindra une modeste 34e place dans les charts. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. On va essayer de se faire une idée ensemble. My stage fright holds back me all night. Stage fright. Temps de se quitter. Je vais vous dire bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!